Dans chaque ville où j'arrive, je suis l'étrangère, celle qui dérive sans repère. Perdue dans les rues, ne parlant pas la langue, invisible et vaincue, mais ça m'arrange. Être personne et tout le monde dans ce voyage qui m'inonde. Cette distance qui ne bouge me rend heureuse. Anonyme, précieux dans cette foule qui passe. Observer ces lieux sans laisser de traces. Étrangère à moi-même quand je franchis la frontière. Peut-être toujours cette vie sans enjeu.